Oui. Je suis un messager, Écoutez-moi, je suis un prophète, je suis un prêtre, je suis un imam. Ouais, écoutez tout ce que je vais vous dire. Après le travaillement, après la figuration, maintenant on passe maintenant à la proclamation. On va certifier ce qu'on a porté. Remerciement spécial à mon ami personnel, Sylvain Gueye. C'est la proclamation. Ah, certification. On lève les mains. Il faut certifier. Tu pour un homme de montrer ce que tu as porté. Ce que c'est tu as la de valeur. Proclamation. Ce que tu peux. La fin de boire le champagne. Il faut certifier. Le cigare. De manger que du caviar. Et tout ça, il faut retenir ces maîtres mots. Dougue Saga, créateur de la sagacité. Venir à Abidjan pour imploser le système. Pour me décaler à Abidjan. Il faudrait pas négliger. Il ne faut pas négliger pour me décaler. Oh, El Maradj Alora Ola. Il faut certifier. Proclamation. Il faut proclamer les rats. C'est la proclamation. On y va tout le monde. Il faut certifier. La proclamation, il faut certifier. C'est la proclamation. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment les gens. Les gens, quand ils mangent ça, il faut certifier. Ils deviennent heureux, c'est pas bon. Très très fort, le président. C'est la proclamation, Abidjan. Il faut certifier. À couper les calais, il faut couper. C'est la proclamation. Allez, calme. Il faut certifier. Arrangeur, remis, technicien, libre, international, très très fort. Tu vas décalement, à patiner. À décaler chinois, premier dans ta ligne de job. Si tu peux pas parler bébé. Il faut brouiller pour parler chinois. On les va la gars, il faut couper. Décaler pour faire, sagacité. À proclamer. Sagal, président, il faut montrer la force des frappes. Abidjan complet, Côte d'Ivoire, tes soutiens, le coupé décalé, toujours c'est la proclamation. On y va, les gars, réponse à mine. Il faut certifier. Tonton Bouba, c'est la Mola, c'est le patassé très fort. El Manaja, il faut certifier. Le Raola, toujours fort. Didier Choco se remarque tout ça. Stanley, il faut certifier. C'est ça, les gars, ça rame ça. Martin Béman. Ouais, ça c'est rien. C'est la proclamation. La proclamation avec Bouxara, le président Didier Rome. À patiner, président des francs proclamés. Sagacité, saga chinois. Sagacité, saga premier kata, deuxième kata, ligne de champ. Sagacité, saga chinois. Sagacité, saga chinois. Ouais, tout le monde, on va décaler ensemble. On y va. Sagacité, saga chinois. Premier kata, décaler chinois. Je fais ma étirement.